Chapitre 8e. Tupolev, Volparie, Moscou, 28 décembre. Lors de cette escale à Roissy, où il devait changer d'avion, Kozlov apprit que la ministre de la Culture allait l'attendre à son arrivée sur le tarmac de l'aéroport russe de Cheremetyevo. Le Tupolev, plus petit que le Boeing, décolla pour la Russie. Alors que l'appareil survolait la France, Alexandre Konstantinovitch Kozlov voulait croire que la présence de la plantureuse et rousse Nadia Vorobiova, la tsarine de Volgograd, était liée au rapport sur la Russie nouvelle qu'il avait soumis au président Popov. Il ne montra pas son trouble à Zidov, son voisin de petite taille et au nez busqué, qui avait pu obtenir une place à ses côtés pour la suite du voyage. Au-dessus des nuages cotonneux, l'avion filait à vive allure vers Moscou. Kozlov fut tiré de sa supputation par un mouvement de foule. Dans les allées, le personnel navigant apportait, sur des chariots, nourriture et boissons. Il mangea sobrement. Le Tupolev survolait le plateau de Loukhok dans l'Altaï, à la frontière entre la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine. Ce crochet par le sud de Moscou, imposé pour des raisons de sécurité sur lesquelles l'équipage ne s'appesantit pas, allongea le temps de vol. Kozlov scruta le lac supérieur de la Chalva, dans ce que l'on appelait communément les Alpes de la Chouïa, dont les 10 glaciers étaient si prisés des alpinistes. Il se souvint avoir lu qu'en 1993, des archéologues russes avaient effectué des fouilles dans un tumulus localisé dans ce secteur. Il en fit part à Zidov. Celui-ci précisa que dans la tombe, les chercheurs trouvèrent les restes de 10 chevaux encore tout harnachés et scellés. Au centre de la chambre funéraire trônait un grand sarcophage en bois ouvragé de clous en bronze. À l'intérieur se trouvait le corps momifié d'une jeune femme, de 25 ans environ, portant de nombreux tatouages sur les bras et notamment un griffon sur l'épaule gauche. Pour les archéologues, cette belle au bois dormant, qui sommeillait depuis 2500 ans, appartenait vraisemblablement à une famille noble. Ils la surnommèrent la princesse d'Altaï. Pour un examen approfondi, la momie fut acheminée vers le laboratoire de Novosibirsk. Durant son absence du Tokaristan, une série d'événements tragiques s'abattirent sur l'Altaï. Les Tokariens évoquèrent une malédiction de la princesse d'Altaï. Ils commencèrent à réclamer le retour de la momie dans ces montagnes. Les appels à la raison des autorités islamiques ne purent apaiser les angoisses ancestrales remontant à la surface. Il se disait dans tous les villages que les archéologues mécréants avaient troublé le sommeil de la grande ancêtre qui gardait l'entrée du royaume souterrain. Les scientifiques, qui ne voulaient pas voir arrêter leur étude sur la momie, soutinrent que la malédiction de la princesse d'Altaï n'était rien d'autre qu'un mythe, comme celui des pharaons égyptiens. Pour apaiser la situation, les autorités tranchèrent. La momie revint. Elle fut installée au musée national de la capitale tokarienne, dans un petit local reproduisant la chambre mortuaire. Les savants qui désirent étudier le corps de la défunte sont désormais contraints de venir en résidence à Arsikouchi. Les paysans ont obtenu que la momie ne quitte plus le périmètre sacré de l'Altaï et qu'une mosquée soit bâtie pour conjurer le mauvais sort, conclut Zidov. Lorsque Kozlov détourna son regard du hublot devant lequel défilait le paysage qui avait conduit à l'évocation de la princesse d'Altaï, il vit dans l'allée de l'avion une hôtesse qui proposait aux passagers des produits détaxés. Certains voyageurs achetaient de l'alcool, d'autres des cigarettes. Il refusa tout. La soixantaine passée, il devait se ménager et mettre fin aux excès de bonne chère auxquels sa carrière d'ambassadeur l'avait exposé. Vivement intéressé par ce petit historique, Kozlov s'exclama. « Tu me parles savamment de la princesse d'Altaï, qui est une gloire locale. Il en est une autre actuellement qui pose bien des tourments à notre président. »« Tu songes aux veuves noires, » répliqua Zidov. « Tu fais allusion à leur pension. Et la jeune Fatia Amadovna Yazorova, qui est devenue la passionnaria, n'est-ce pas ?» Voyant Kozlov esquisser un oui de la tête, Zidov ferma les yeux pour mieux mobiliser sa mémoire et dit « Fatia est en effet la tête de gondole des indépendantistes islamistes du Tokaristan. De ses ancêtres tokars, elle a hérité d'une peau pâle, de grands yeux verts et de cheveux châtain roux aux reflets cuivrés. Elle a 37 ans. Elle est la veuve de Kerimbi Yazourov, un tokarien. Il était l'un des plus dangereux chefs de guerre djihadistes de la contrée. Il était surtout connu pour avoir été le cerveau d'une vague d'attentats à Moscou le 23 mars, il y a 3 ans. Son groupe avait perpétré au même moment dans plusieurs lieux publics de la capitale russe des explosions à la bombe provoquant la mort de 195 personnes. Peu de temps après, il fut liquidé à Grozny par nos forces spéciales. C'est son mari qui lui a parlé du djihad, du combat qu'il avait mené aux côtés de Tchétchènes et de la nécessité, pour elle, de retrouver ses racines musulmanes. Il faut croire qu'il a réussi à la convaincre puisqu'elle a rejoint sa terre islamique pour vivre sa vie de musulmane pratiquante. Son retour au pays s'est fait d'autant plus facilement que le nouvel homme fort est le président Youssouf Ramazanovitch Imadedinov. Koslov ne put s'empêcher d'interrompre son camarade. « Je connais Youssouf. Nous sommes de la même génération. Il a 60 ans comme moi. J'ai fait sa rencontre à l'époque où son père lui confia le poste de ministre de l'Intérieur et des Cultes, ainsi que le grade de général en chef de la garde présidentielle. » Il indique alors à Zidov, qui, surpris, l'incitait à en dire davantage, que Youssouf était petit, fin, sec, le visage assez pâle mais d'apparence affable. Seul passaient parfois dans ses yeux vifs des éclairs de haine ou de démence. Une barbe noire étagée par petits rouleaux descendait sur sa poitrine. Avec son uniforme de général et la tête coiffée d'une chapka de fourrure, il arborait au côté gauche son kinjal, un long poignard courbe à double tranchant, dans un étui doré et rutilant, et au côté droit, son pistolet qu'il ne quittait jamais. Youssouf offrait au regard l'aspect plutôt inquiétant d'un sardanapale tokarien. Maître incontesté, pour atteindre ses objectifs politiques et religieux, il disposait de la vie de ses compatriotes totalement fanatisés et dévoués à sa cause. Pour ceux et celles qui allaient mourir pour lui et pour Allah, il était bien plus qu'un chef coutumier ou un libérateur. Il était l'émir, celui qui allait libérer le Tokaristan du joug russe. Il allait mettre fin au règne des mécréants, proclamer la République islamique et appliquer la charia. Koslov raconta que parfois, quand il prêchait le vendredi dans le centre culturel islamique attenant à la mosquée, tous les hommes présents disaient sentir un frisson divin leur parcourir l'échine. Youssouf Imadedinov se présentait aux fidèles comme l'héritier de Gengis Khan. Devant Zidov médusé, Koslov conclut. Il dit, à qui veut l'entendre, qu'avec lui, les guerriers tokariens feront bientôt trembler Moscou et son dernier tsar en titre, Vladimir Vladimirovitch Popov. Il annonce même que des combattants afflueront de partout dans le monde, comme eux-mêmes l'ont fait en allant combattre en Bosnie, au Daghestan ou en Afghanistan. Il clame haut et fort que l'Oumma entière se mobilisera pour soutenir sa cause et rendre réel son rêve d'indépendance et de conquête. Il fait crier en chœur à son peuple Allahu Akbar, le persuadant que le djihad ne fait que commencer. « Je constate, mentionna Zidov, que tu as une bonne connaissance du Tokaristan. » Flatté du compliment, Koslov resta humble. Il lui indiqua ses sources. Dans les dynasties assassines, Mikhail Fyodorovitch Lyapunov, un ami universitaire, se penche sur des familles de despotes parmi lesquelles figurent Ramiz et Youssouf Imadedinov. Je te conseille plus particulièrement la lecture du chapitre 9 sur le Tokaristan. L'auditeur qui veut en prendre connaissance peut l'entendre dans les archives du Kremlin, en annexe au document D. Si je me souviens bien, enchaîna Zidov, le camarade Lyapunov a un visage en lame de couteau, comme si le vent et la pluie en avaient amenuisé toutes les parties inutiles. Les yeux sont rougis et cernés de poches profondes. On ne peut pas dire qu'à la quarantaine il soit ridé. L'épithète raviné lui conviendrait mieux, tant sont profonds les sillons sculptés sur son vieux cuir. N'est-il l'historiographe du président Popov? Oui, rétorqua Koslov. Il n'est pas le seul, mais il est l'historien attitré du président. Vladimir Popov veut qu'histoire et légende rendent compte de son mandat. L'histoire pour l'ensemble, la légende pour le détail. C'est Lyapunov qui se charge de l'histoire, et c'est Léonid Sergueïevitch Kikov qui forge la légende. Zidov connaissait cette exigence du chef de l'État. Il sut gré à son camarade de le lui confirmer. Il s'apprêtait à demander à Koslov des précisions sur les travaux de Lyapunov, lorsque l'avion approchant de Cheremetyevo, l'hôtesse prit à les passagers d'attacher leurs ceintures, de redresser leurs sièges et de relever leurs tablettes pour l'atterrissage.